Chapitre 15. Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons aider les faibles à porter leurs faiblesses. Nous ne devons pas vivre pour ce qui nous plaît. Il faut que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, pour le faire progresser dans la foi. Car le Christ n'a pas vécu pour ce qui lui plaisait. Au contraire, comme le déclare l'Écriture, les insultes de ceux qui t'insultaient sont tombées sur moi. Tout ce que nous trouvons dans les Écritures a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et de l'encouragement que nous donnent les Écritures. Que Dieu, de qui viennent la patience et l'encouragement, vous rendent capables de vivre en bon accord les uns avec les autres, en suivant l'exemple de Jésus-Christ, afin que, tous ensemble et d'une seule voix, vous louiez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Car je vous l'affirme, Christ est devenu le serviteur des Juifs pour accomplir les promesses que Dieu a faites aux patriarches et montrer ainsi que Dieu est fidèle. Il est venu aussi pour que les non-Juifs louent Dieu à cause de sa bonté, comme le déclare l'Écriture. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai en l'honneur de ton nom. Elle déclare aussi, Nation, réjouissez-vous avec le peuple que Dieu a choisi. Et encore, vous, toutes les nations, louez le Seigneur, que tous les peuples le louent. Ésaïe dit aussi, le descendant de Jessé viendra, il se lèvera pour gouverner les nations, et elles mettront leur espoir en lui. Que Dieu qui donne l'espérance vous remplissent d'une joie et d'une paix parfaite par la foi que vous avez en lui, afin que vous soyez riches en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Mes frères, je suis moi-même certain que vous êtes remplis de bonté, pleinement au courant de tout ce qu'il faut connaître, et capables de vous donner des conseils les uns aux autres. Pourtant, je vous ai écrit avec une certaine audace en plusieurs endroits de ma lettre pour vous rappeler ce que vous aviez déjà appris. J'ai écrit ainsi à cause de la faveur que Dieu m'a accordée d'être serviteur de Jésus-Christ pour les peuples non-juifs. J'accomplis un service sacré en annonçant la bonne nouvelle de Dieu afin que les peuples non-juifs deviennent une offrande agréable à Dieu, rendue digne d'être à lui par le Saint-Esprit. Dans l'union avec Jésus-Christ, je peux donc être fier de mon travail pour Dieu. Car si j'ose parler de quelque chose, c'est uniquement de ce que le Christ a réalisé par moi pour amener ceux qui ne sont pas juifs à obéir à Dieu. Il l'a fait au moyen de paroles et d'actions, par la puissance de signes et de miracles, et par la puissance de l'Esprit-Saint. C'est ainsi que j'ai annoncé pleinement la bonne nouvelle qui concerne le Christ, en allant de tous côtés, depuis Jérusalem jusqu'à la région d'Illyrie. Mais j'ai tenu à annoncer la bonne nouvelle uniquement dans les endroits où l'on n'avait pas entendu parler du Christ, afin de ne pas bâtir sur les fondations posées par quelqu'un d'autre et d'agir selon ce que déclare l'Écriture. Ceux à qui on n'avait rien dit de lui verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. C'est là ce qui m'a empêché bien des fois d'aller chez vous. Mais maintenant j'ai terminé mon travail dans ces régions-ci. Depuis de nombreuses années, je désire vous rendre visite. Et je voudrais le faire quand je me rendrai en Espagne. Car j'espère vous voir en passant et recevoir votre aide pour aller dans ce pays après avoir profité de votre compagnie pendant quelque temps. Mais pour le moment, je vais à Jérusalem, pour le service des membres du peuple de Dieu qui sont là-bas. Car les chrétiens de Macédoine et de Grèce ont décidé de faire une collecte en faveur des pauvres appartenant au peuple de Dieu à Jérusalem. Ils l'ont décidé eux-mêmes, mais en réalité, ils le devaient à ces pauvres. Car les chrétiens juifs de Jérusalem ont partagé leurs biens spirituels avec ceux qui ne sont pas juifs. Les non-juifs doivent donc aussi les servir en les aidant de leurs biens matériels. Quand j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis le produit de cette collecte, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous en m'y rendant. Et je sais que lorsque j'irai chez vous, j'arriverai avec la pleine bénédiction du Christ. Mais voici ce que je vous demande, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que donne l'Esprit Saint. Combattez avec moi en adressant à Dieu des prières pour moi. Priez pour que j'échappe aux incroyants de Judée et pour que l'aide que j'apporte à Jérusalem soit bien accueillie là-bas par les membres du peuple de Dieu. De cette façon, j'arriverai chez vous plein de joie si Dieu le veut, et je trouverai du repos au milieu de vous. Que Dieu, qui donne la paix, soit avec vous tous. Amen.